Durant toutes ces années, à côtoyer ces gens, croyant vivre le vrai, perdu dans leur folie. Avec du recul, je me vois ivre mort. Comment j'ai pu subir le feu de leur entraille, sans en sentir le mal qui me rongeait le tronc. Que faut-il répondre à la plus grande question, comme à la plus profonde de toutes les fondations? Le mystère reste entier, même après tant d'années, de tant du silence, de tout ce silence. Pourquoi une planète avec tant des habitants reçu le sens de la pensée? Reçu le sens de la pensée. Eh oui.